Chapitre 18e. Jugement téméraire. Notre lâcheuse, la transfuge qui revient. Oui, c'est bien elle, qui descend de l'omnibus de l'hôtel. Bonjour, cher, bonjour. Nous ne vous attendions plus. Nous vous croyons noyés dans la mer rouge. Pourquoi n'avez-vous pas télégraphié? Quelques minutes de plus et vous ne trouviez personne. Nous allons tous à l'opéra italien. Vous dînerez vite, vous nous rejoindrez. Ces appels joyeux parlaient avec des rires de la terrasse de l'hôtel Shepherd. Madame de Lovrin, le duc, les Banleuses, la jeune américaine du Neptune, toute la compagnie quittait la table où elle prenait le café après dîner, se portait à la rencontre de Madame Fianona, qui descendait de voiture et gravissait les marches du perron, légère et les yeux clairs, d'une clarté rayonnante qu'on n'était plus accoutumé d'y voir. « Excusez-moi, dit-elle à la duchesse. Mon ami m'a retenu jusqu'à ce matin, un jour de plus que je ne projetais. Je me suis laissé faire. C'était si bon de revivre près d'elle ma vie d'enfant. » En débarquant à Suez, Madame Fianona était tombée dans les bras d'une personne qu'elle ne s'attendait pas à y retrouver. La femme d'un Italien établi en Égypte, ingénieur chargé par le gouvernement khédivial de la rectification du vieux port. Une Vénitienne, élevée avec Millicent, sa plus intime amie jusqu'au jour où leur mariage respectif avait séparé les deux compagnes d'enfance. La femme de l'ingénieur avait aussitôt supplié la voyageuse de rester deux ou trois jours auprès d'elle, avant de rejoindre au Caire la société qui s'y rendait en quittant le Neptune. Tout heureuse de la rencontre, heureuse de la prolonger et d'oublier le dur présent dans le doux passé, Madame Fianona avait cédé volontiers à ses instances, d'autant plus volontiers que les Lovrin annonçaient leur intention d'aller d'abord aux courses d'Alexandrie. Gênée de se sentir à la charge de la duchesse, la pauvre Millicent évitait, autant que possible, des déplacements dont elle ne pouvait plus faire les frais. Il se souciait peu de rester seule au Caire avec Louise de Banleuse. Les deux femmes éprouvaient, l'une à l'égard de l'autre, une antipathie que Millicent ne savait pas dissimuler, comme Louise sous la caresse des compliments. L'Italienne, désireuse d'amuser sa compagne, avait décidé de la conduire dès le premier jour aux fontaines de Moïse, l'excursion obligatoire à une petite distance de Suez. Le yacht facilitait la chose. M. Robinson, qui appareillait pour continuer son voyage, offrait obligeamment à ces dames de les déposer en passant sur la plage où l'on gagne les fontaines. Millicent était remontée sur le Neptune avec son amie pour une couple d'heures. À cet incident très simple se bornait le roman que Madame de Banleuse avait servi, ou plutôt suggéré au capitaine de Tournoel. Madame Fianona rembarquait après leur départ sur le yacht de Robinson, le yacht l'emmenant en mer Rouge. Louison n'avait voulu se souvenir que de ce fait. Elle y avait ajouté en imagination des conséquences possibles, probables et naturelles, selon la rouée coquette, qui se mettait à la place de Millicent et savait bien le parti qu'elle aurait tiré d'une pareille aubaine. Dans sa pensée, l'amie italienne, dont elle n'avait pas soufflé mot, ne pouvait être qu'un paravent. « Et vous ne m'aviez rien dit de la surprise, cachotière ?» murmura Peg à Millicent en la tirant un instant à l'écart, après que la jeune femme eut subi le premier feu des exclamations sur tout ce qu'on avait fait de mémorable en son absence. « Quelle surprise ! » Ne faites pas l'ignorante. L'arrivée du capitaine en coup de vent. Le cap, monsieur de Tournoel, est en Égypte? Ici? Et vous oserez me dire que vous n'en saviez rien? Rien, je vous le jure. Millicent, enjouée l'instant d'avant, redevint grave, toute troublée. Ici? Depuis quand? Pour longtemps? Où? À quelle heure l'attendez-vous? Je ne l'attends pas. Je ne comprends rien au récit de Louise. Elle est la seule qui l'ait vue. Louise! « Venez, expliquez-vous enfin sur cette mystérieuse apparition du capitaine. »« Mais je vous ai dit tout ce que j'en sais, » fit la Banleuse avec une nuance de gêne. « Monsieur de Tournoel est tombé avant-hier soir à l'hôtel comme une bombe. Son air habituel, préoccupé, le front chargé d'empires qui ne se rendent pas. Il n'a daigné faire aucune réponse à mes questions. Je lui ai dit que vous étiez absente, Madame Fianona également, que vous reviendriez bientôt. » Le lendemain, hier, comme je rentrais des pyramides, j'ai appris à l'hôtel qu'il avait déménagé précipitamment avec un religieux tout de blanc vêtu qu'ils étaient partis pour la gare de la Haute-Égypte. Un attaché de l'agence de France, que j'ai rencontré dans la soirée, n'en savait pas plus long que moi, ou ne voulait pas dire ce qu'il savait. Il paraissait croire à une mission coloniale. Il demande qu'on n'ébruite pas le passage du capitaine. Selon lui, M. de Tournoel doit être en route vers le Haut-Nil et les environs, à la recherche de quelques déserts inédits pour rejoindre son Tchad. Il avait en effet la mine d'un chevalier errant qui va tenter une grande aventure. Louise de Banleuse n'était pas née méchante. Elle ne se refusait certes pas, à l'occasion, une petite vengeance d'amour-propre, le plaisir de jouer un bon tour à une rivale. Elle n'eût pas fait sciemment un grand mal inutile. Mais elle était devenue jusqu'au moelle une mondaine, la mondaine par excellence, incurablement légère. Le monde lui avait inculqué le tour d'esprit qu'il donne à ceux qui ne vivent que pour y paraître, voir toutes choses, de très petites choses, comme des amusettes. En parler avec l'ironie détachée qui ne cherche dans tout événement, fût-ce l'incendie d'une ville, que l'étincelle plaisante qu'on en pourra faire jaillir. Chez elle, comme chez un féline, le laminoir du monde avait complètement usé cette faculté, la réflexion, qui nous découvre tous qu'un incident minuscule, un propos en l'air, peuvent renfermer de sérieux, parfois de tragiques. De plus, l'habitude de composer dans le mensonge ce chef-d'œuvre artificiel, sa vie de pauvresse luxueuse, avait créé une incompatibilité radicale entre la cervelle de Louison et la droite vue d'un fait, entre sa langue et la relation véridique de ce fait. En causant, elle brodait sur la vérité comme sur son métier à ouvrage, machinalement. Ce soir-là, elle eut le sentiment, et presque un remords, d'avoir été trop loin, d'avoir fait de la casse, comme elle se disait. Mais ça y était. Il fallait soutenir son personnage, ne pas avouer, ne pas se couper. « Bah, pensait-elle, j'ai un peu blagué. Qu'ils se débrouillent, c'est leur affaire. » Une question brûlait les lèvres de Millicent. « Ne s'est-il donc pas informé de moi? Il est impossible qu'il ne m'ait pas demandé. » Honte de se trahir devant Madame de Banleuse, en méfiance de ce que répondrait cette femme, elle ne questionna pas. Elle cherchait à deviner l'énigme. Elle se perdait en conjectures, d'autant moins lucide que l'émotion soudaine paralysait sa pensée. Comment n'avait-il pas écrit? Il avait dû recevoir la dernière lettre en balle. Quelle décision lui avait suggéré cette lettre? Sans doute il avait cédé à un mouvement irrésistible. Il avait voulu venir la rejoindre en Égypte, l'y surprendre. Mais alors, pourquoi ce passage au Caire comme un météore, sans y attendre un jour le retour des Lovrains, sans donner signe de vie avant de repartir? Pour où? Pour son Wadaï? Était-il possible qu'on le renvoyât là-bas? Mais il l'eût fait savoir. À moins que désespéré, résolu à tout oublier dans sa tâche reprise, non, c'eût été trop cruel. « N'y a-t-il pas de lettre pour moi ? » demanda-t-elle vivement au valet de chambre de Lovrin, qui apportait dans le hall le courrier du soir. Il en est arrivé une à l'instant, sous le couvert de Madame la Duchesse. Je ne savais pas Madame de retour, je l'ai déposée dans l'appartement de Madame. Elle courut à sa chambre, sur sa table, deux lettres l'attendaient. L'une au timbre de Buenos Aires, l'autre, elle n'en regarda pas le timbre, elle vit l'écriture, ouvrit et lut. Ce 13 décembre, chez les dieux, là où vont les morts. Ce furent les premiers mots que j'entendis sur vos lèvres, madame, le soir où je vous revis, 7 ans après Sospel. À pareil jour, il y a 6 mois. Je ne les compris pas alors, je les comprends aujourd'hui. Il me présageait étrangement le lieu d'où je vous adresserai les derniers mots que vous recevrez de moi. Vous aviez raison, la Valkyrie m'y a emmené, et ce que vous ajoutiez, sur le peu de différence qu'il y a parfois entre les vivants et les morts, s'appliquait bien à l'homme que je suis maintenant. Je vous écris au fond des siècles, du seuil de ce grand désert africain d'où je n'aurais jamais dû revenir. Je vous écris d'une maison où l'on voit toutes choses à leur point, où l'on n'en souffre presque plus. Ces paroles deviendront claires pour vous lorsque vous passerez à Saqqara. Vous aurez sans doute la curiosité d'y aller si l'on vous ramène au Caire. Ce matin, je vous aurai écrit des choses injustes, indignes de vous et de moi. On est mauvais sous le premier coup de la souffrance. Cette nuit, l'apaisement du lieu est sur mon âme. Je ne vous ferai pas de reproches, je n'en ai nul droit. Je n'avais pas le droit de vous condamner à une existence misérable, alors qu'on vous en offrait ailleurs une brillante. Tout nous séparait, vous me l'avez dit dès mon premier aveu. Vous ne m'avez jamais laissé d'illusion, sinon celle que vous pourriez, quand même, sans me donner d'espoir, m'aimer un peu. Ce qui devait être a été. Votre sentiment, sincère, je veux le croire, a capitulé devant une fascination méthodique, Vous avez écouté celui qui pouvait combler de toutes les satisfactions votre vie détruite, acculée aux pires difficultés, sans avenir avec le pauvre officier. C'est bien, c'est mieux, pour vous et pour moi. Je n'aurai pas le remords d'avoir empêché ce que le monde appellera votre bonheur, ce que je souhaite que vous puissiez appeler ainsi. Et j'échappe au danger de me laisser surprendre à mon tour par cette fascination implacable qui semble se faire un jeu d'avilir tous les cœurs. Elle guettait le mien, elle croyait s'en rendre maîtresse parce qu'il l'avait de plus cher et de plus sacré. J'aurais peut-être succombé. À certaines heures, je me sentais faiblir. La tentation était trop forte de consentir à un marché qui m'eût donné, en échange de ma conscience et de mes fiertés vaincues, les objets de mes plus ardents désirs, vous d'abord. Naguère encore, tandis que la voix respectée de mon vieux chef me rappelait mon devoir de soldat, je l'écoutais avec une âme pleine de confusion et de révolte, prête à chercher l'accommodement qui me permettrait d'être infidèle à ce devoir, fidèle à mon amour pour vous. Ce soir, dans cette maison bonne conseillère où je m'examine et me ressaisis, je sens combien j'étais près d'une abdication que vous auriez peut-être fini par me demander, car vous ne pouviez pas vous rendre compte de tout ce que j'aurais renoncé. Elle ne paraîtrait à beaucoup de gens qu'un choix raisonnable. Pour comprendre le dégoût de soi-même qu'elle m'eût donné, il faudrait entrer dans les sentiments des hommes de mon état, dans les miens, savoir quel idéal de vie je me suis fait, savoir aussi tout ce que je sais, deviner tout ce que je devine du but qu'on se proposait, quand on m'offrait la facilité de continuer mon œuvre, pour d'autres, avec des chaînes d'or aux mains, et d'y chercher mon propre avantage au détriment des intérêts de mon pays. Je voyais clairement où l'on voulait me mener, et j'y serais peut-être allé, dans une minute d'égarement passionné, tant je vous aimais. Cela non plus, madame, vous ne pouviez pas vous en rendre compte. Il eût fallu imaginer, et qui peut imaginer la vie intérieure d'un autre, ce qu'a été ma jeunesse, sa solitude de cœur, la longue compression de ma sensibilité, l'austère tension d'esprit et de volonté qui sauvegarda ce cœur des gaspillages vulgaires. D'avance, et sans vous connaître, il accumulait pour vous toutes ces énergies d'amour. Oui, je vous étais fidèle avant de vous connaître. Qu'eussé-je fait, vous connaissant? Enfin, vous êtes venue, la même qu'attendaient mes rêves et autres, créatrices de rêves encore plus beaux. Vous m'êtes apparu comme ma parure, quand je les vis pour la première fois, l'océan, le désert, ces images terrestres de l'infini qui comblent et dépassent la grande attente qu'avait l'enfant. D'autres pourront vous aimer, madame. Nul œil humain ne vous verra tel que je vous ai vu durant ces derniers mois. Vous étiez plus que l'univers, vous en étiez la loi harmonieuse, la raison d'être, la source de tout ce qu'il y a d'admirable, l'excuse de tout ce qu'il y a de mauvais. Depuis que je vous ai vu, et bien su, devinez tout au moins, là où vous étiez si haut que mon regard n'y pouvait atteindre, depuis que devant moi vous avez marché, de votre démarche à vous, parlé de votre parole à vous, depuis que vous m'avez regardé, de votre regard où sont toutes les âmes que Dieu créera quand il fera des mondes meilleurs, je n'ai jamais douté une minute que vous ne fussiez le beau absolu. J'étais certain que les plus hautes aspirations des hommes, aussi longtemps qu'il y aura des hommes, n'iraient jamais plus loin que vous, qu'elles trouveraient en vous leurs limites et leur satisfaction totale. À cette heure encore, je pense, en revenant à ce papier, je pensais. Je suis ressorti un instant pour revoir la montagne des tombeaux. Je pensais que les myriades d'hommes qui dorment dans cette montagne, depuis les premiers dont on se souvienne, n'ont vécu que pour préparer votre être unique, pour le former du plus divin de leur substance, avec tout ce qu'il y avait, chez les meilleurs d'entre eux, de beau, de bon, de grand, d'innommable par les mots de nos langues qui adorent ce qu'ils ne savent pas dire. Je pensais que toute la beauté de cette immense mort, avec toute la splendeur de cette inépuisable nuit, ne pouvait tomber sur le désert que de la lourde forêt adorable de vos cheveux. Je pensais que de ces hypogées tous les anciens peuples surgiraient, qu'ils sortiraient tous de leur éternité, heureuse ou malheureuse, pour baiser sur ce sable la trace de vos pieds, s'ils passaient, les pieds qui ne passeront plus, devant celui qui les aurait suivis au bout du monde. Il courra d'autres baisers. Très vite, n'est-ce pas, en ce moment, sous ces mêmes étoiles, dans cette même haleine tiède de la nuit. Tandis que j'écris, seul, dévasté, dépouillé de tout ce qui fut moi. pourquoi se sont-ils fait attendre, puisqu'il était certain qu'ils iraient là? Pourquoi m'avoir retenu sur leur route? Pour donner plus de prix à ce qu'on porterait à l'autre, avec cette parure, des lambeaux de moi? Je voudrais savoir que vous rirez en lisant ceci dans ses bras, et je voudrais croire qu'un Dieu juste fera le compte, à cette minute, de ce qu'une de ses créatures peut faire souffrir à une autre. De quel droit m'arrachez-vous ma foi? Vous perdre, vous, ce n'est rien, mais ma foi en vous, le reflet menteur du ciel que vous étiez pour moi, il ne vous appartenait pas, il était à moi, qui l'avait créé, pauvre fou. Est-ce que vous avez, en lui parlant, cette note grave de votre voix claire, qui faisait frissonner toute l'âme? Mais dites au moins que vous l'aimez, ce sera un soulagement, je vous le jure. Dites ce qui vous a séduit en lui, et que vous n'êtes pas allé uniquement alors, bassement alors. Trahissez-moi, mais ne trahissez pas mon idéal, ne descendez pas. Non, c'est pour vivre, n'est-ce pas? Vous ne l'aimez pas, vous ne pouvez pas l'aimer. Si, vous avez dit qu'il était, qu'il est l'homme de l'avenir. Nous verrons. Je suis bien peu de chose à côté de lui, et vous m'avez ravi mon courage. J'en retrouverai. Je saurai me faire grand, vous faire regretter d'avoir pris le mensonge de la grandeur pour sa vérité. Le vaincu d'aujourd'hui confondra votre mépris. Dans cette idée, dans l'espoir de vous faire pleurer votre lâcheté, je trouve des forces que je ne m'étais jamais senties. Je repars, je ferai mon œuvre maintenant, j'en suis sûr. Je suis fort comme le sacrifice, vous verrez quelles belles œuvres il fait. S'il vous reste un sens pour les comprendre, vous verrez, pauvre aveugle, que l'avenir c'était moi. Vous le verrez, avec ses yeux. Oh non, pour eux, pas d'injure, ni pour rien de vous, pardon. C'était un moment, je me suis retrouvé homme, si malheureux, oublié. Les dieux et les morts m'en ont déjà fait honte. Si vous pouviez voir. J'ai là, tout près de moi, une de ces mortes, d'au-delà les âges. Elle sourit, je vous assure, presque de votre sourire. Elle n'est plus femme. Elle est sacrée. Dans le très lointain des choses transformées, abolies, qui ne font plus jamais mal. Vous aussi. Elle avait ces quelques fleurs conservées sur sa poitrine. Je les mets ici, je vous les donne. Ce sont les seules que je puisse désormais vous offrir. On n'en sera pas jaloux. Fleurs mortes. Pas plus mortes, pas plus anciennes que celles qui fleurissaient dans les bois de Jossé, l'été qui fut. Qu'elles vous portent bonheur. Je souhaite sincèrement que vous soyez heureuse comme vous avez voulu l'être. Je vous remercie pour ce qui a été. Je ne vous en veux pas de ce qui est. Tout est bien. Cela ne pouvait pas être autrement. Adieu. Je ne vous reverrai plus. Ne me cherchez pas. Si vous en aviez la pensée, je ne sais où je serai dans quelques jours, à la poursuite de mon but. Mais je sais qu'après ces premières heures de troubles pénibles, il restera dans ma vie quelque chose de très bon. Que la souffrance venue de vous y aura mis. Et si je suis jamais un de ceux dont le monde dit qu'ils sont grands, je proclamerai que c'est par vous, quand même. Je serai heureux de vous marquer ainsi, madame, le très respectueux dévouement que je mets encore une dernière fois à vos pieds. Louis de Tournoel. Millicent avait laissé tomber la lettre sur le parquet. Des larmes perlaient aux pointes de ses longs cils bruns. Un moment, elle demeura sans pensée. Dans la stupeur du blessé qui se réveillerait sous les décombres de sa maison, détruite par un tremblement de terre. Puis elle fit un effort pour sortir de ce chaos inintelligible, pour trouver de la lumière, de l'air respirable. Qui donc était subitement devenu fou, lui ou elle? Que signifiaient ces accusations démentes, monstrueuses? Quel rapport lui avait-on fait? Et qui? Elle se rappela les mines apprêtées, le ton gêné de Louise de Banleuse. Mais non, ce n'était pas possible. Nul être humain ne serait capable d'une pareille noirceur. Et si même un propos mondain avait donné l'éveil à la jalousie de Louis, il n'y aurait plus ajouté foi à la réflexion, il n'aurait pas écrit pour si peu avec cette certitude, avec cette cruauté. Comme les innocents qu'on accuse brusquement d'un crime invraisemblable, elle se demanda un instant s'il n'était pas coupable, à son insu, en quelque façon. Elle s'examina sévèrement. Oui, au dernier jour du voyage, cette révélation soudaine, cet hommage muet de Robinson qu'elle avait surpris, plus qu'un hommage, presque un aveu, involontaire. Elle y avait pensé avec complaisance. Elle en avait été touchée, un peu vaine. Elle avait fait ce qu'il fallait pour en provoquer la répétition. et la pauvre âme délicate grossissait son petit péché, le remords qu'elle en avait eu. Mais c'était tout. Pas une parole n'avait été échangée entre elle et Robinson, qui put préciser les choses devinées dans ces instants fugitifs. Et lors même que, par un impossible miracle, Louis aurait eu connaissance du léger émoi qu'elle avait ressenti dans le secret du cœur, il n'y eut rien trouvé qui lui permît d'écrire cette atroce lettre. Mais s'il n'était pas fou, que voulait-il? Un prétexte, peut-être, pour s'évader d'un amour sans joie, sans espoir, qui lui pesait déjà, qui entravait sa liberté. Son voyage inexplicable avait un but, et puisque ce but n'était pas elle, ce devait être la reprise de ses projets ambitieux. On lui avait ouvert quelques voies nouvelles où il espérait les réaliser, il allait tenter quelque aventure. Avant de s'y donner tout entier, il avait voulu rompre ce lien platonique où il ne trouvait qu'une gêne sans compensation. Il la rejetait à Robinson, et prenant les devants, il supposait ce qui le dégageait commodément. Cependant, l'accent de souffrance paraissait sincère dans quelques-unes de ses lignes, et s'il n'eût cherché qu'à reprendre sa liberté, il n'aurait pas souffleté d'une odieuse calomnie celle qu'il savait prête à se sacrifier. Que croire et comment s'éclairer? Oh, ne pas savoir où le joindre, ou lui demander un mot d'explication, rester ainsi dans la nuit et l'abandon, sans recours auprès de qui que ce fût. Elle eut la pensée de porter la lettre à Peg. Une pudeur la retint. Pour lui, plus que pour elle-même, elle ne voulait mettre personne dans la confidence de cet acte furieux, de ces outrages gratuits. Elle resta longtemps écroulée, en larmes, renonçant à chercher. Elle ne maudissait pas, elle n'accusait pas, elle recevait ce malheur en victime coutumière de la fatalité. Lorsqu'elle se fut un peu reprise, son regard rencontra la lettre de Buenos Aires. Elle l'ouvrit distraitement, il lut comme en un rêve des mots qu'elle n'essaya pas de comprendre tout d'abord. Cette lettre était un long rapport où son mandataire exposait l'état des affaires, une licitation, une vente par autorité de justice des propriétés indivises interviendrait dans les 3 mois, à moins qu'il ne se présentât un riche acquéreur pour la totalité des biens, éventualité que rien ne permettait d'espérer. Le rachat serait effectué par des intéressés qui s'étaient d'ores et déjà entendus, à vil prix, dans des conditions telles que le passif de la succession Fianona resterait supérieur à l'actif. Bien loin qu'il pût promettre à la veuve l'envoi de fonds qu'elle avait demandé, son mandataire l'engagea à se mettre en mesure de satisfaire, si possible, aux reprises qu'on exercerait contre elle. De ce grimoire de procédure, des chiffres qui dansaient en désordre sous ses yeux mouillés de pleurs, Millicent ne retint que ceci, elle n'avait plus rien au monde. Y penser lui fut presque une diversion bienfaisante à cette minute. La lettre tomba sur l'autre au pied de la jeune femme, comme tombent d'une ruine les débris qui s'amoncellent au bas du mur. Elle se courba un peu plus sous la fatalité, dit ses prières de petite fille, repensa aux entretiens qu'elle venait d'avoir avec l'ami de son enfance. Ce soir-là, Mme Fianona n'alla pas rejoindre à l'opéra italien la brillante société qui l'y attendait. Les jours suivants, elle dut se plier aux servitudes du genre de vie que lui imposait sa situation dépendante, vie bruyante et dissipée. Les hôteliers du Caire font dater de cette saison hivernale une ère plus mémorable pour eux que celle de l'Égypte, l'ère de la conquête de l'Égypte par les Américains. À l'exemple des riches Anglais, on les vit cette année-là déserter Nice et Cannes, passer la mer, venir chercher au bord du Nil l'oubli total des frimas, la fête ininterrompue de lumière que ne donne pas notre corniche. Les plus belles maisons du quartier neuf d'Ismaïlier avaient été retenues par les multimillionnaires de New York. Comme s'ils se fussent donné le mot, elles réunissaient dans les grands jardins contigus la plupart des familles aux côtés sur le World, cet almanach qui suggérait à Christian des vues philosophiques dont le jeune duc n'était pas prodigue. Madame de Lovrin se retrouvait dans son élément avec son ancienne société de Newport. Pour elle et pour ses compatriotes, les journées se passaient dans un entraînement perpétuel de sport et de plaisir. Partie de tennis à Gésiré, course à dromadaire dans le désert, excursion en bande aux pyramides, à Élouan, à Matarié, dîner entre soi ou chez les agents diplomatiques, fêtes arabes offertes par des pachas fastueux et hospitaliers. Va-t-il pleuvoir de l'or comme au temps du Khédive Ismaïl ? Disaient sans y croire les vieux résidents qui avaient connu les jours, ou plutôt les mille et une nuits d'il y a 30 ans. Cette joyeuse sarabande des milliards empruntés, qui fit alors de la vie au Caire une féerie mi-orientale, mi-parisienne, telle qu'on n'en reverra jamais l'appareil dont le monde assagit, dans l'Orient appauvri. Les Américains ne pouvaient rivaliser avec les souvenirs laissés par les exploiteurs et les créatures du moderne Haroun al-Rachid. Ils faisaient de leur mieux. On devinait chez eux le secret désir d'éclipser les maîtres anglais, un peu offusqués par ces brillantes comètes qu'ils reléguaient au second plan dans l'estime intéressée des indigènes. Les Américains projetaient de faire plus encore pour fêter l'arrivée du plus représentatif de leurs concitoyens, du maître de la mer incessamment attendu. Emportée dans ce tourbillon, Peg s'occupait moins de sa malheureuse amie. La duchesse n'avait plus, comme à José, le loisir d'observer et d'interroger ce cœur difficile à ouvrir. On parlait fort peu de Tournoël. Dans la petite société française, le mot d'ordre venu de Bonlieu était de se taire, de ne pas questionner, pour ne point rendre plus épineuse encore la situation très délicate d'un officier qui s'aventurait au Soudan. Aventure regrettable à tous égards, soit que le capitaine y fût en mission secrète, soit qu'il eût pris sous son képi la fâcheuse inspiration d'aller faire un coup de tête dans ces régions, d'y créer des difficultés, comme le disaient avec humeur les personnages de poids, politiques et financiers, près de qui Madame Fianona essayait timidement de se renseigner lorsqu'elle les avait pour voisins de table. Dans les sociétés étrangères, nul ne pensait plus à l'homme qui avait occupé l'opinion européenne au commencement de cette même année. Son nom, un instant en vedette, s'était effacé des mémoires depuis que les journaux, y compris le plus lu de tous, l'Oceanic Herald, ne rappelaient plus ce nom à des esprits distraits par tant d'autres sujets. Quelquefois, en changeant de toilette à la hâte entre deux parties, Peg demandait à Millicent « Ne savez-vous rien de Tournoël, de sa disparition bizarre ?»« Rien, » répondait Madame Fianona, ce qui était trop vrai. Sans doute, ajoutait-elle, le capitaine retournait au centre de l'Afrique par une voie nouvelle. Sans doute aussi, il avait fait comme les hommes de sa sorte lorsqu'ils rentrent dans l'action. Il avait oublié l'intermède sentimental dont il s'était amusé en France, et le mieux était de l'oublier comme lui. Ce qu'elle disait à Madame de Lovrin, l'unique personne qui fût un peu dans son secret, Millicent commençait à s'en persuader elle-même. Plus elle y songeait, plus cette explication lui apparaissait comme la seule plausible et naturelle. Un travail inconscient se poursuivait dans son imagination, y modifiait peu à peu la physionomie de la lettre de Sakara, cette lettre dont elle n'avait pas su d'abord s'il y fallait voir une effusion passionnée ou un congé donné sous d'absurdes prétextes. La dernière opinion avait fini par prévaloir. Révoltée par l'injustice, blessée par l'outrage de l'incompréhensible missive, elle en oubliait les parties qui l'avaient profondément émue. Elle ne se souvenait plus que de certaines phrases justificatives de son interprétation. Ces phrases lui faisaient voir un homme repris tout entier par la fièvre de l'ambition, et plus que jamais obsédé par la crainte d'une forfaiture où il pensait que son amour l'entraînerait fatalement. Millicent avait toujours eu quelque peine à entrer dans cet ordre d'idées, à discerner les motifs de ce duel politique entre Louis et Archibald dont elle était la victime indirecte. Les préventions furieuses du capitaine, dès qu'il s'agissait de Robinson et des opérations du financier en Afrique, cela ressemblait fort, pensait-elle, au délire de la persécution. Mais ce délire était plus fort que celui de l'amour dans le cœur de l'ombrageux officier, elle le savait par expérience. Il avait pris le parti de sacrifier l'amour. Il n'avait plus écrit, sa résolution d'oublier, de se faire oublier, était donc irrévocable. Elle se confirmait chaque jour un peu plus dans ce sentiment. Durant les heures de songerie, qu'elle pouvait dérober au divertissement dont on l'accablait. Quand elle sortait, seule, pour s'aller réfugier dans ses deux asiles de prédilection, le matin à la mosquée d'El Mouayyad, le soir à l'île de Roda. Elle avait découvert par hasard au cœur de la vieille ville sarrasine cet enclos béni d'El Mouayyad, qui n'est plus qu'un souvenir depuis que les architectes ont pompeusement restauré, autant dire détruit et profané, la ruine charmante où travaillait avant eux la nature. La mosquée du beau temps des Mamelucs était alors une relique un peu croulante, abandonnée par les hommes, donnée par le dieu qu'ils oubliaient aux arbres et aux oiseaux. Les moulures dorées, les élégantes arabesques, pendaient par places aux caissons de bois délicatement enluminés, ouvraient des jours sur le ciel au plafond du sanctuaire. Les pierres multicolores et les carreaux d'émail aux grandes fleurs tombaient des revêtements de la muraille entre les colonnes de marbre antique. Mais un bois triomphant, un bois sacré de palmiers, de figuiers, de sycomores, avait grandi entre les dalles déchaussées de la cour. Ces arbres ombrageaient la fontaine aux ablutions, se prosternaient sous le vent comme les anciens fidèles, avançaient leurs têtes entre les arcades au secours des piliers ruineux. La fontaine servait d'abreuvoir à une nuée de tourterelles, aux hirondelles et aux mésanges qui nichaient dans les alvéoles des pendentifs entre les grandes lettres couffiques des frises. Ces oiseaux roucoulaient, chantaient, voltaient des palmiers aux colonnes, de la végétation de bois à celle de pierre. Nul ne venait troubler leurs ébats, le bruit de la rue expirait au portail de bronze, le silence était tutélaire et pacifique dans cette fraîche oasis. Seul un mendiant raccommodait ses loques près du puits, un homme très vieux, ruine vivante comme la mosquée. La jeune femme le retrouvait là, au soleil du matin, à l'heure délicieuse d'Elmoïade. Quand les rayons pénétraient discrètement sous le berceau de feuillage et dans la pénombre du sanctuaire où ils réveillaient les vieux ors éteints. Quand montait du bassin, le long des grêles colonnettes et sous la calotte en stuc blanc du petit dôme, les reflets dansants des émerures de l'eau coupés par les ombres mobiles des palmes et des ailes de tourterelles. Mélicente ne se souvenait d'aucun lieu où la grâce et la paix des choses lui eussent été plus sensibles. D'aucun où elle eut si douce cette impression de vieille prière endormie, continuée par les oiseaux et les plantes, par les murmures et les mouvements légers d'une nature qui demandait pardon d'être là en fraude, qui se faisait plus aimable, plus filiale, pour réparer la ruine de son Dieu, pour le consoler de la désertion des hommes. Madame Fianona revenait toujours de ce pèlerinage rasséréné, plus riche de rêves. Au baisser du jour, elle suivait la longue rue qui mène au vieux Caire, jusqu'au bac du passeur de Roda, sur le petit bras du Nil. Elle gagnait la berge, dans la procession des statues en marche, droites et souples comme les fûts des palmiers, drapées comme ils le sont dans les voiles bleues du soir. Ces femmes fellahs qui rechargeaient sur leurs têtes les jarres pleines. Elle se faisait passer dans l'île, allait se perdre dans les jardins de la pointe près du Nilomètre. Ses parterres d'orangers aux allées droites, bordées de roses, ses kiosques de marbre blanc, la pergola festonnée de vignes au bord de l'eau, le noble délabrement de ces choses anciennes, tout lui était ressouvenir émouvant de son Italie. Lieu d'une sobre grâce florentine, encadrée dans la majesté du fleuve égyptien. Mélicente ne se lassait pas de voir venir à elle, du fond de l'horizon, et passer à ses pieds les fuseaux blancs des longues voiles aiguës, sous lesquelles des hommes chantaient la mélopée arabe qu'elle aimait. Elle se lassait moins encore de son ravissement quotidien, la mort glorieuse et chaque soir variée des journées qui tombent dans le Nil comme des perles irisées, en jouant avec la lumière qu'elles emportent. Lumière attardée au prisme de ses eaux, où il semble qu'elle ait été tout d'abord créée, tant elle y est jeune, pure, hardie dans ses jeux audacieux. Là aussi, dans les jardins d'orangers suspendus sur le fleuve, Mélicente trouvait paix et solitude, solitude rarement troublée par les touristes, cet Éden ne leur étant pas recommandé. Une manière de petit diablotin tout noir, avec des yeux vifs et curieux, tournait souvent autour d'elle. L'étrangère lisait dans ses yeux une admiration gloutonne, elle s'en amusait. L'indigène s'enhardit à lui adresser la parole. Il avait attrapé quelques bribes de français en montrant son Nilomètre aux visiteurs. Un jour qu'elle lui demandait s'il habitait la vieille maison lézardée qui surplombe le Nil, l'homme répondit dans son baragouin « Si, avant, moi partir bientôt, quand île plus nôtre. Américain beaucoup riche acheté Roda, beaucoup argent, millions. » Il compta sur ses doigts jusqu'au chiffre 12. « Autant millions acheté Roda, bâtir palais dans île américain, Milord Robinson. » Mélicente comprit. Il avait été question en sa présence de ce projet d'acquisition. Mais à l'évocation inattendue, entre les buissons de roses du calme jardin assombri dans le crépuscule, un souvenir traversa son esprit avec un frisson de malaise. le rêve de José, le grand mur d'argent qui se dressait partout, qui surgissait autour d'un jardin tout pareil, l'enserrait, interceptait le ciel et la perspective du Nil, fuyante là-bas, très loin, jusqu'aux régions mystérieuses où d'autres yeux regardaient peut-être la descente de ces mêmes eaux. Dans la matinée de ce jour, le Neptune s'était amarré à un corps mort de port Tefik. Ordre avait été donné d'expédier vivement les formalités à l'entrée du canal et de continuer sur Port Saïd, où une affaire urgente appelait M. Robinson. Depuis qu'on était en vue de Suez, l'Américain arpentait le pont de son navire d'un pas nerveux qui ne lui était point habituel. Brusquement, il s'arrêta sous la passerelle, se consulta un instant, et là son capitaine. « Vous pouvez prendre votre temps. Vous continuerez sans moi et m'attendrez à Port Saïd. Je débarque. » Et s'adressant à Joe qui causait près de lui avec Moucheron et le docteur, « J'ai changé d'idée, Joe. Allez dire à la gare qu'on fasse chauffer une machine pour me conduire au Caire. Le train doit être parti. S'il vous plaît de m'y accompagner, messieurs, faites à votre convenance. Rien ne vous retient plus à bord. » Il descendit dans sa chambre. Joe fixa sur le jeune médecin ses yeux inquiets de fidèle chien de garde. « Ainsi, monsieur, vous pensez que j'avais tort de m'alarmer et que le malaise, la surexcitation anormale dont M. Robinson souffre certainement, bien qu'il refuse d'en convenir, ne provient pas d'une de ces terribles insolations de la mer Rouge ? Je crois pouvoir vous rassurer. J'ai examiné, M. Robinson. Ni fièvre, ni céphalalgie. Un peu de fatigue. Rien dont il faille s'inquiéter. » Comme Joey s'éloignait, Moucheron frappa sur l'épaule du docteur. Sa sociabilité, n'ayant pas le choix pour se dépenser durant le voyage aux îles Farsan, s'était rejetée sur le médecin, qu'il tenait déjà pour le meilleur de ses amis, qu'il avait conquis en l'aidant à naturaliser des spécimens de la faune marine, pêchés dans la mer Rouge. Ces merveilleux poissons, aux colorations éclatantes ou tendres, qui semblent échapper de la palette et du rêve d'un Gustave Moreau. Le pagel rose à plumes blanches, l'oloxandre rayé d'or et de rouge vif, l'épine Eiffel tachetée de blanc sur sa cuirasse de pourpre sombre, les girelles vert brun, une variété particulière de scars bleus, turquoise vivante, et cette espèce de labre qui porte une étoile d'or sur ses écailles de lapis-lazuli. « Cher docteur, fit-il, je n'ai pas pratiqué le patron aussi longtemps que son jobard de Famulus, mais je vous jure que Robinson n'est plus le même homme depuis notre retour de ces îlots du diable. » Il faut bien croire que son solide crâne a été lésé par l'astre exaspéré qui sévissait sur cette rôtissoire d'enfer. Ouf, j'en transpire encore rien que d'y penser. La Providence a eu grand tort de ne pas multiplier les homards sous ces rochers des Farsan. On les y ramasserait tout cuits. Le docteur Julien Revaz, un enfant de Faucigny pris en particulière affection par son illustre compatriote Féroze, avait acquis sous la direction de ce maître une expérience précoce des troubles cérébraux, des obscurs phénomènes de la psychophysiologie. Il réfléchit quelques instants avant de répondre à Moucheron. Si peu que je connaisse M. Robinson, j'ai observé avec curiosité ce rare exemplaire du genre homo. Je vois bien que depuis quelques jours il est pour ainsi dire hors de son type. Mais le soleil n'est pour rien dans l'affaire, ou pour peu de choses. Une cause seconde, tout au plus. À mon avis, nous sommes en présence d'un désordre imputable à l'autosuggestion provoquée par une femme, ce que vous appelez l'amour, vous autres littérateurs, d'un amour qui veut sortir, qu'on renfonce, et qui se venge sur le cerveau. Mon cher Moucheron, et il plongea dans les yeux d'Émile un de ses regards communs aux juges d'instruction et aux médecins, répondez-moi franchement, y a-t-il quelque chose entre M. Robinson et cette jeune dame que nous avons emmenée de France, rembarquée à Suez et laissée aux fontaines de Moïse ? « Vous voulez rire ?» fit Émile. « Robinson, plus indifférent sur le chapitre des femmes que son collègue le financier Joseph, celui qui faisait ici le trust des céréales il y a 4000 ans. Et il ne regarde même pas cette Madame Fianona, que j'ai des raisons de croire occupée ailleurs. »« Il la regarde peu, mais bien, » reprit le docteur Revaz. « J'observais notre Américain à la dérobée quand elle a disparu sur la plage des Fontaines. Il la suivait d'un regard singulier. » qui m'en remettait un autre en mémoire. J'étais requis une fois par un de mes amis. Il était appelé sur le terrain par un homme d'âge qu'il avait gravement offensé et qu'il savait n'avoir jamais touché une épée. Mon ami, le plus brave, le plus généreux, le plus volontaire des hommes, était de première force aux armes. Avant de s'aligner, il me dit « Crois-moi si tu veux, je me demande à cette minute si je vais assassiner ce malheureux ou me laisser embrocher par lui. » La chose finit heureusement avec une égratignure, mais j'ai noté l'expression des yeux de mon ami pendant la seconde où il regardait son adversaire, en balançant s'il le tuerait ou se laisserait tuer par lui. J'ai reconnu cette même expression dans les yeux de M. Robinson au moment où il perdait de vue Mme Fianona. « Docteur, vous cumulez !» dit en riant Moucheron. « Médecin et poète tragique !» Les deux hommes rejoignirent M. Robinson, qui venait de faire armer la yole. Ils quittèrent le bord avec lui, prirent place dans le train spécial qu'on avait préparé sur sa demande. L'Américain en fit presser la marche. Moins de 6 heures après son départ de Suez, il était au Caire, à l'hôtel Shepherd, interrogeant le personnel de service. Madame de Lauvrin, lui dit-on, devait se trouver avec ses amis au tennis-club de Gésiré. Madame Fianona n'avait pas accompagné ces dames. On croyait qu'elle s'était dirigée vers l'île de Rhoda, sa promenade habituelle à la fin de la journée. Archibald se fit conduire au bac. Il entra dans les jardins, aperçut la personne qu'il cherchait. Elle tournait le dos à l'allée par où il arrivait, elle causait avec l'indigène. Celui-ci vit le promeneur qui approchait. Un rire sardonique dilata la petite face noiraude, releva les lèvres sur les dents luisantes. Avec de grands signes des mains à la dame européenne, il s'écria « Hé hé, voilà lui, Miller américain !» Elle se retourna. L'homme qu'on lui montrait n'était plus qu'à quelques pas. Madame Fianona reconnut Archibald Robinson. «